Psaume 80. Psaume d'Asaph, donné au maître chantre, pour le chanter sur ses animés dut. Toi qui paies Israël, prête l'oreille, toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi qui es assis entre les chérubins, fais reluire ta splendeur. Réveille ta puissance au devant d'Ephraïm, de Benjamin et de Manassé, et viens pour notre délivrance. Ô Dieu, ramène-nous, et fais reluire ta face, et nous serons délivrés. Ô Éternel, Dieu des armées, jusqu'à quand seras-tu irrité contre la requête de ton peuple? Tu les as nourris de pain de larmes, et tu les as abreuvés de pleurs à grande mesure. Tu nous as mis pour un sujet de dispute entre nos voisins, et nos ennemis se moquent de nous entre eux. Ô Dieu des armées, ramène-nous, et fais reluire ta face, et nous serons délivrés. Tu avais transporté une vigne hors d'Égypte, tu avais chassé les nations, et tu l'avais plantée. Tu avais préparé une place devant elle, tu lui avais fait prendre racine, et elle avait rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses rameaux étaient comme de hauts cèdres. Elle avait étendu ses branches jusqu'à la mer, et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses cloisons, de sorte que tous les passants en ont cueilli les raisins? Les sangliers de la forêt l'ont détruite, et toutes sortes de bêtes sauvages l'ont brutée. Ô Dieu des armées, retourne, je te prie, regarde des cieux, vois, et visite cette vigne. Et le plan que ta droite avait planté, et les provinces que tu avais fait devenir fort pour toi. Elle est brûlée par feu, elle est retranchée, ils périssent dès que tu te montres pour les tancer. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es fortifié, et nous ne nous retirerons point arrière de toi. Rends-nous la vie, et nous invoquerons ton nom, ô Éternel. Dieu des armées, ramène-nous, et fais reluire ta face, et nous serons délivrés.